أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم الفاتح لما الفاتح لما سبق المتحدث والعادي لا سيادة المستقيم ولا عادي خبر المحتاجين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلام على المرسلين والحمد لله. بسم الله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم الخيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم حمور أهليتي فإنه رجس. متفق عليه. وعن عمرو بن خارجة رضي الله تعالى عنه قال: حديث كبير amul ndumte nafa nafa fa innaha minikum fa innaha rijsun fa innaha rijsun mutafaqun alayhi. Wa an amr ibn harijah radiyallahu ta'ala annahu khala khatabana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi minna wa huwa ala rahilatihi ولهابها يسيل على كتفي. أخرجه أحمد والترمذي وصححه. صدق الله العظيم. صدق الرسول. صدق الرسول. صدق الرسول. كريم ولا. صدق الرسول كريم ولا. ما هي تعود بخي لهم وقت دقلا بس ك وقت ينتهي بصلاة الوقت يلا لا. Mais fi sadaqa rasul karim wala mais ci adab yi dañuy wax sadaqa rasul karim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa nabiyyina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، قلنا بن سنت يا لجلي جئت عليه الصلاة والسلام ميلن دنيو دلن زيارة دلن بارح نيان برغ سبحانه وتعالى بولن جيغ دي برن نيو شيخ حسن الفوتي ما شاء الله هكا رقم دير زياره باخ باخ باخ دي لن ما سو تونا تام تسي بوكي وي فك لي في اجي لغي ان شاء الله تعالى في ني ورون fiñu yeggon tay ci fiñu waron ci jotay bi wessu ci sharha hadith yi nga xamantene mom moy ci bu tere bu al imam al hafid ibn hajar al asqalani rahimahullah ta'ala moy bulughul maram min adillati al ahkam bi nga xamantene da fay wax ci ahadithul ahkam yi ñi ngi won ci hadith yakarna 23e ak 24e hadith la non wala ñaar fukel ak ñet ak ñaar fukel ak ñen ci hadith yi ñi ngi yamon kon ci ñaari hadith yoy nga xamantene mom lañu commencé won sharh ci ñett jotay yi wessu bu ñëk bi mom moy manam moy ñaar hadith ci Ibrahim Madir legi ni donc bu ñëk bi mom moy wa anhu man Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu annahu qala lamma kana yawm khaybar amara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aba talha fa nada إن الله ورسوله ينهيانكم عن حمور عن لحوم الحمور الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. وعن عامر بن خارجة رضي الله تعالى عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفيه. أخرجه أحمد والترمذي وصححه. ما نعم كن حديث بن جكبي mom moy hadith sayyidina anas bi radiyallahu ta'ala anhu na annahu qala ni dafa wax ne lamma kana yawm khaybar lamma ma xamne kana nekon na yawm khaybar xew xewu khaybar amara dafa digel rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam aba talha fanada mudadi radhiyallahu ta'ala anhu fanada mudadi wote ne anna allah nak bur yalla kat wa rasuluhu ak ndawam li sallallahu alayhi wa sallam yanhayanikum ñom ñong leen di téré an luhumi ci ndawalu ci yap al khumur dal ahliya manam mbam suf moy mbam keuri fa innaha ndax mom day ritum sobe la muttafaqun alayhi hadith bobu muttafaqun alayhi la borom xam ni manam ñaar seul ni bok ñu ci depo solo wa an amr ibn kharijata bobu tamit benen hadith la bu an amr ibn kharijata radiyallahu ta'ala anhu annahu qala na dafa waxna lamma na khatabana khutbal nañ rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam biminan fek ñanga ca minam manam bisub tabaski wo fek mom yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ala rahilatihi ma yatakawwar wayam wolu abuha waye nak tuflitam ya yasulu ñangay wal ala katfa sama mbagi mun akhrajahu ahmad imam ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhi moko solo ci musna dam wa tirmizi ak imam at-tirmizi ci sunanam wa sahahahu imam at-tirmizi rahmatullah alayhi daf ko wëral gannaaw ñuko solo yo kon ñaari hadith yoyu mom moy ñaari hadith yi nga xamantene fofu la ñëmon gisoon nañu ci hadith bu ndeuk bi li nga xamantene mom mo aju won ci tahriq bi ak li nga xamne mom mo aju won ci liñu waron wax ci baati ba yexi won nañ ci ne amara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gisoon nañu li nga xamantene mom moy li aju ci walu al amru manam ak li nga xamantene mom mo ci wër wër lo ci walu lu limi tek ak maana yi nga xamantene mom mo ci ne insha Allah taala buñu yexé ci mas'ala usuliyya yi dinañ gis li nga xamantene mom moy deug deug deug li nga xamantene tam mom la lambo ci ay yenn maana tamit manam ci ay masail yo xamantene day wor wor lo ci walu ndigal manam ci walu commandement voilà injonction mais kon ne amara digel na kan rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam muy sayyidna muhammad alayhi salatu wa salam ibnu abdullah ibnu abd al-muttalib alayhi salatu wa salam yent bobu nonu sallallahu alayhi wa salam ñom mom lañ ko wowe té non lañ koy tuddé manam lolu dafa jara def précision parce que ñakul ne ci hadith yu wéfu jotton nañ ci am luñ ci jotton wax mais lolu dafa am solo dañuy gis téré hadith so leen di xol do ci gis fu ñu nan qala muhammad sallallahu alayhi wa sallam do ko gis qala rasulullah ngay def amara rasulullah qama rasulullah manam taxawna khataba rasulullah khutbana dhahaba rasulullah yentibi demna kana rasulullah yentibi dem da dan faral di def nangam yoy nga dan deg wala kana nabi sallallahu alayhi wa sallam rasul wala nabi len lañuy wax leg leg ngu deg ngir yenn precision yi ku melni sayyidina abu hurairah radhiyallahu anhu kana khalil abul qasim sallallahu alayhi wasallam yaqulu wala nangam sama xarit ba abul qasim da dan wax na sallallahu alayhi wasallam yentem mais jamais nga di gis kuy jaar non rek ci turum dem yoram lolou don won sen doxale ndax lan borom bi ci bopam subhanahu wa ta'ala mom modul doxale non ak sayyidina muhammad alayhi salatu wasallam té fepp ko xamantene tuduna turum ba jaar ci turum deug rek sax da ngay gis mu tek ci luy tektale ne am yenente la wala mu tek ci manam mbir mu mag mag luy wone ne dako magal dako reeyal dako fonk dako yikiti mais kanta di salalu ko non rek jaar ci turum bi ñom daan ñuko def sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum lolu bokul won ci seen doxalin lolu bokul won ci seen ay waxit kon yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñun tamit non lañ wara doxale ak mom manam fuñu koy tuddu dañuy tuddu turum ba pare tek ci sallallahu alayhi wasallam julli ci mom mais baña jaar nonu rek ci tour yi nonu rek lolu manam ñak teggin gu mag la ci haqq ya nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam ci haqq ki xamantene borom subhanahu wa ta'ala da ko yekati naka jek ci mbolem minde fi ak ci lepp lo xamantene ci mbolem nek borom subhanahu wa ta'ala da ko yekati kon mom ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam mom dafa digal kan Aba Talha Abu Talha mom mi ngi tudon Zayd ibn Sahl ibn al-Aswad an-Najjari al-Ansari Zayd ibn Sahl ibn al-Aswad an-Najjari manam le banu Najjar la bok manam an-Najjari al-Ansari wala deng wala wala kon mom moy sahaba yenenbi la sallallahu alayhi wasallam bok ci ñi nga xamantene ñu gëna mag ci ñom la radiyallahu ta'ala anhu ba pare nekkon tamit ko xamantene ku manam doomu bajjan yenenbi la sallallahu alayhi wasallam waye mom ansari la te mom moy ci mom fimu bokkon moy groupe wa medina manam mom ndax sahaba ay radiyallahu anhu dañu am ñaari groupe yu principal groupe bu ñëkk bi mom lañu tuddé al muhajiruna benen groupe bi mom lañu tuddé al ansar al muhajiruna moy groupe bi nga xamantene bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam gaddaye jugge makka dem madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam ñom ñoo jugge ndo ñoo jugge won makka ñew ci madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam ñi nga xamantene ñom ñoy benen groupe bi mom moy ansari ñom ñoy ñi nga xamantene ñom ñoko nekkon di jappale yenenbi sallallahu alayhi wasallam diko dimbali han diko jappale ñaari groupe yoy nak benn groupe bi manam moy bi mujju bi moy ansar bi fofu la sayyidina abu talha radiyallahu ta'ala anhu warda wa nabi bok sayyidina abu talha radiyallahu ta'ala anhu dafa manam mom bay tax la manam dedet bayu jitle la ci sayyidina anas ibn malik radiyallahu anhu lolou mom motax ngay gis hadith yu bare bare yu ñuy faral di tuddu sayyidina abu talha radiyallahu ta'ala ngay gis sayyidina anas ibn malik radiyallahu anhu moko solo daf koy wax diko netale sino abu talha mom ci jëmmi bopam radiyallahu anhu limu solo ci ay hadith yep manam mom tax ko bare wala tax ko bare c'est bayu jitle manam moy jëkëru yaayam la voilà donc c'était le voilà donc voilà son beau père voilà voilà voilà donc Seydina Abu Talha radiyallahu ta'ala mom mo jur manam mom Seydat Umm Sulaym radiyallahu mom mo dafa ñëkkon am borom kër bu ñu tuddé Malik bobu bi yeralentibi sallallahu alayhi wasallam ñëwé jukké Madina jukké Makka ñëw Madina comme mom yéfer la won mom bëggul wona def ak yeralentibi sallallahu alayhi wasallam ci même dëkk bi ci suuf ci mu gaday dem yonam dem côté Sham légui donc Umm Sulaym radiyallahu anha da fi nek légui manam comme nekatul ak jëkërëm du jëk ji mom julit la légui ki yéfer la banako dem na yonam legui day daal man am benen jeukal benen borom keur gogo nak sayyidina abu talha radhiyallahu anhu mom mo ñew sakko mais bimu ñewé comme sayyidina anas wa radhiyallahu anhu ci mune bi nga xamantene da ko khutba am lama khataba abu talha umma sulaym radhiyallahu anhuma mune qalat inni fika ya Aba Talha inni fika la raghiba walakinaka kafir ya Abu Talha man day manam inni fika la raghiba wa inna mithlaka la yurad waxe walakinaka kafir ya Abu Talha ku yow day man am la xemem ci yow manam moy beug na la sauf que parce que ku melni yow manam ku melni yow kenn duko dello mais da nga am ben problème bo nek ci yow moy da ngay dub yéfer te yéfer daf lay dello ginnaw wala yéfer mom and ak mom bok ak mom mbir mom da lay dello ginnaw rawati na nak ngay sey ak mom ak yu demé nonou lu motax alcorane te lolou alcorane da ko téré ala kulli hal lolou daganu wala tunkhal mushrikeen hatta yu'minu wala abdul mu'minun khayrun min mushrika min mushrikeen wala a'jabakum ولا تنكح المشركات حتى يؤمنن ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم اولئك يدعون الى النار اولئك يدعون الى النار دنگ مونے بولن تير بولن سي بولن سيلي بولن ماي بولن تاك نيغا خامتاني نيوم نوي ييفير يو غوري با كيروك نوي گم نдах جام جام bo xamantene sax jam la manam esclave buñu mom nga jël ko te fekk gëm na nga tak ko ko sax wala bok nga may ko sa dom sax mo gën nga may ko bi yefer voilà donté yefer bi da la yi manam daf la neex dang ko bëgg dafa rafet dafa am alal dafa voilà borom doole la borom nguur la lu man ci xew dafa haram mune jul yefer bu jigen bi tamit non la mel amo len droit tak len bu len la tek mu fek gemuñu wala manam bokale kat yi parce que ñi nga xamantene ñom ñoy ñu goor ñi ci ñom manam ñu jigen ñi ñom nonu mune jam bu jigen sax nga tak ko mo gën mo gën wala bok nga may ko sa dom han mo gën ke jam bo xamantene manam ke nit ko xamantene mom ap yefir la ala kulli halin bu jigen donte tamit yem na la manam ku taru la borom alal la borom dole la borom katan la borom nangam la borom yeb da haram parce que lan mune ndax ñooñu dañuy wote jëm ci sawar yalla nak mom day wote jëm ci njigal ak jëm lu jikke ci mom ak aljana kon ñi dañu harama tak lool mom motax sayyidat ummu sulaym radiyallahu anha ne ko dafa non mais yow problème bi lol rek mom moy mono ma tak neeng de nga mune kiyum manam fa ja'alat sadaqaha islamuhu manam sadaq bi manam moy dot bi manam li nga xamantene moy cyan bi biñ ko wara takke mu daal koy def julite manam l'islam gimi duggu gi abu talha di duggu ci l'islam lol mom motax sabit al bunani rahimahullah ken la ci talibi sayyidina anafi radiyallahu anhu da fay wax ne musuñu xam ñun xamuñu ku gëna tedd ku gëna reeyle ku gëna magale ku gëna barkel cyan ummu sulaym radiyallahu anha xamnu ko parce que mom duggu ci l'islam bi nga xamantene mom la jëkërum di duggu ci l'islam mo nekkone dotam legui rek fi ben question da fi duddou manam moy est-ce que manam ñaar sax la ñaar question la dañ koy teunk parce que lolu taxu ñu jox dafa bok ci tarjuma bi rek mo dañ koy teunk question bu ñëk bi mom moy sayyidina abu talha radiyallahu anhu le fait que mu ñew rek duggu ci l'islam parce que dafa bëgg tak soxna ci est ce duggu ci l'islam gogou werr na wala werru ak ndax dana ko jarign wala duko jarign ak ndax lolu manam du yak manam duggu ci bopam manam est ce lolu dal manam ci gatal werr na wala werru ak ndax dana ko jarign lolu tontu bi moy comme niñ ko xamé sayyidna abu talha radiyallahu anhu ci sahaba yi gëna magala bokkon kon fik neeku ci ne duggul l'islam gogou werna waye dafa am lu mata baye xel fofu moy ne dafa duggu ci l'islam naam ne soxna ci moko xirtal ci duggu ci l'islam mais soxna ci kessé kessé kessé taxul mu dugg ci l'islam manam lool dafa mata baye xam manam ndax dugg na ci l'islam ndax soxna ci mo ne ko ah lool mom moy sa kenn mu daali xol gis na l'islam kat lu mata dugg lu bax la lu sel la lu rafet la deppo na ak xel mu rafet et que idéologie yi mu indi bax na mode de vie la bu muy proposer bu rafet la et que limu wax dañ wara jaamu yalla ay kesse te sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam moy yonentam lolou kat gum neex na gum man na ko nangou kon nangou na ko duguna ci l'islam motax bimu duggé ci l'islam ko duggu ci l'islam ci anam go même bu fekkene ne ci yuna non la manam nana ha bala nga la may soxna ci kat ha bala nga la may soxna ci sax danan la dañ lay da ngay duggu ci l'islam nga da duggu ci l'islam ci cadre figure yu mel non lolou mom dagal na te bax na kanta ki nga xamantene nak da fay ñew ni rek ñu nak ah mais waxal ba ci cede rek non mais juste il faut juste prononcer affaire bi ni après c'est bon après ngeen xol quoi nga débrouiller bo mom baxu parce que lutax parce que ki ci dugg parce que dafa bok ci manam ki dugg ci l'islam bi il faut que mu nek ko xamantene limi wax da koy gem maintenant ñun mënu ñu séré luddul wax ni ñun lool rek lañ mëna séré mais manu ñoo tek mais nak mais buñu xamé né parce que amna mbir yo xamne dana day wone ni ki kat du ko beug tak rek d'ailleurs parfois ngay gis da ko tak mais après hein day nek ci liko neex parfois sa day nek ci kifir ga mu nekkon manam ci affaire yoy mu nekkon ne mom dafa tuwo nak il avait juste dit affaire bi ni pour la forme voilà pour les protocoles wa bob mom mom mo baxul bob baxul bo werto benen bi ci dess mom moy yifir bobu ñu ci rek ko tak kan mo dugg ci bir kan mo dugg ci bir ci dugg ci bir moy kep ko xamantene da fay genn ahlul kitab manam mom moy ndax te ahlul kitab alquran ci bopam moko set manam exception bi mom moko indi moné ta'amu ahlul kitab halul lakum wa ta'amukum halul lahum ha naka wax ha ta'amu ahlul kitab halul lakum wa ta'amukum halul lahum wal muhsanat min alladhina utul kitaba min qablikum wala kon ak muhsanati manam muhsanati tamit ñom tamit manam mom moy ñi nga xamne ñoy ñu ñong ñi ci ñom ñom tamit dagal nañu lool mom motax il faut que duné jigeenu ahlul kitab bu nek dagal na affaire bi demewul non bu fekkante ne yefir bi ahlul kitab moy juif wala chrétien les gens du livre ñi nga xamantene ñom ñoy ñu jëk ni groupe bu jëk bi ñom daganuñu ci lu amul wel manam moy athé bi bouddhiste bi zoroastrien bi et cetera ak ñun ñepp kenn dagunu ci amul kenn ci ñom ko xamantene dagan na tak mais quant à boudé goor jigenu julit mom de toute façon ka bobu dafa leer ci lu amul ben wérenté ci mbolé borom xam xam ni rahmatullah alayhi amul ñaari borom xam xam yu wérenté ci haram gi nga xamantene mom la haram ñu may ab jigeenu julit keneen ku dulub julit lool ñaari borom xam xam wérenté wuñ ci té képp ko xamantene def nga ko am ka bakkar ba nopi bu fekkentene da nga nek ko xamantene xamoon nga ko yéfer ngay doon lutax parce que da ngay geureum que say doom nek ay yéfer lool mom motax manam jigen du dugg ci sey bu mel non mom ci jëmmé bopom en tant qu'en connaissance de cause que ni li baxul mé nak bo nañ ko def ndax bëgg na waji lool mom ci bopom mom lool moy signature bi mu signé ni décret bi mu manam tamponé cacheté né mom yéfer la légui voilà parce que lutax parce que dafa geureum dafa geureum lan manam do manam domam nek yefef ba nopi benen bir bi nga xamantene mom mo ci am mom moy ijma bo xamantene ci borom manam ñepp dañ ci and kiko maye tamit nonu la kiko maye tamit nonu lool mom motax en fait il faut faire très attention surtout ci mariage ñi def yi ñu célébrer faut que ñi def attention di bañu négliger ben détail ñu bañ ko négliger lutax parce que information yow bi ngay jot au départ ak waxin bi ni mi mel day tax nga japp ne lepp protocole la rek question de protocole la rek affaire yi war na mëna jaar yoon mais ya subhanallah so leg ni gis ni cadre figure yo xamantene so ñëwé pour poser question manaw question de protocole rek nga daal gis ne ndekete affaire bi dafa bari ay mbir yo xamantene dafa wara mëna tax bu sey bi man ta ne rien que ya subhanallah boy la ngi demé nek ndax do xam nga am na xone protocole la ndax daw ci umbul ak ay ndax dekkole nak ay ndax xam yoy nga xamantene ay protocole rek la mais da ngay gis ne ya subhanallah leg la nga def ko affaire bi nga gis ne voilà nga gis ne nekata problème amna fofu voilà ak yeneen ak yeneen yo xamantene ay cas la yo xamantene yu existé lañ yo xamantene yépp yu mata baye xal lañ ci walu sey bi benen bi ci dess kon mom moy ne kon leer na ne wa ahlul kitab manam yefir ñi nga xamne ñoy atay ak yoy parce que legui tamit gaay dañu wa ndaw ci lu mu doon ah mom ñom baptisé nañ ko mais xam nga xalé yi legui gëmutu ñu dara mais mom baptisé nañ ko kon chrétien la ñu wax yu chrétien la do kay c'est bon dañ ko maye ok bismillah nañ ci indi lu ki ñu da def affaire non affaire de wut non affaire bi warul demé non même chrétien bi nga xamantene dafa lèr ni chrétien la té day pratiquer koku sax dañu soumettre sey bi à des conditions xam nga ñu bari dañuy dégg né sey chrétien dagan na rek ñu japp né ak lu chrétien no rek ma def nako ko may manam ci jigen la wax han waxuma non manam pour goor bi tak jigen di waxuma jigen di tak non lool mo wax jigen di ni voilà ko mom da leer nañ classer dossier bob voilà legui buñu xolé cas de figure yi nga xam tane dafa am ay condition yi bu ñëk mom moy mu téla nangou né xalé yi ci juddo ci sey bob ay jullit dañuy doon amul nan ay bon après on va l'éduquer on va les laisser choisir quand ils vont grandir amul lo non del ci l'islam dañ len di yor mu nek une condition ñaaral bu ci dess mom moy yi nga xamantene mom moy yi haram yi ci sharia té ñu xam ko té mu nek lo xamantene symbole du islam la lolu ala kulli hal du ko meuna nangu ci bir kër gi manam moy lu déme neké ay ñom mbam ku xuk ñom sangara yoy mom duñ dugg ci kër gi amul nan man dama koy lek amul lolu muy benen condition bi nga xamantene dafa wara leer aussi mom moy né mom ci jëmmé bopam ci kanam attention lu ba na ba baye xal la ci kanam ñi manam ñeneen manam ñu de ñi bokku te jëkërum du solo lu ko nexé manam day wër di muuru seen kanam par exemple dañan bi mo lool mom même julit bi nga tak jigeen julit bi nga tak lool fiim solo sax problème la même ci problème jigeen julit bi nga tak yalla ñu yalla sam benen bi ci def mom moy comme par exemple ay croyant yoy muy jamo yalla yoy muy def yoy nga xamne ay symbole bokale la du ko indi ci keur gi du ko indi ci keur gi xaritam yi koy xex bu ñoxé ba ci buntu keur gi yor buteru sangara fofu lañ koy tek ba di bayiko waaw amna nak benen condition bu mata baye xal moy ne moy day sangu farata waaw kitab bi ya day sangu farata manam ginnaw bi mu gisse mbaxam wala bu sey ak jeukeram ba pare yoy day sangu farata sangu farata bobu day wer ndax lolu ndax condition ndax ci biñ ko dox manam ndax woyo fal giñu ko woyo falal lolu d'ailleurs lolu mo motax hanafiyey rahmatullah alayhim bok na ci liñu laye te lay ci ne motax ñom ñu japp ni yini du condition ci ñapp ak jul ak sangu farata ndax bok na ci sen lay moy dañu japp ni lutax kon kitab bi yett bi ñukoy lutax kitab manam chrétien bi wala juif bi comme mom yéfer la c'est à dire que yinam du wër lutax sangu faratam di wër manam voilà ñom bok na ci motax bok na ci argument yi ñu joxe pour lool and ak ne comme niñ ko xamé manam léralé kon que moy ne hein voilà moy ne dana moy sangu farata bobu dana wé nek sangu farata ak yi ak japp yeb manam yi ne farata la ci donc day sangu farata benen nak bu ci dess te imam malik rahmahullah dafa ne buñu nekké ci dëkk bo xamanteni dëkk bobu du dëkk julit manam julit ñi du ñoo fa yilif dañuy téré muy sey ak mom fofa neena lu tax mu ne parce que dañuy bañ mu am fa dom yoya magge fofa am jikko yu dul jikko julit ni ah mais ça c'est une bonne question voilà c'est à dire pour wax la ne la manam c'était juste pour la waxu imam malik rahmatullah waxu imam malik dafa gis ne manam zimmiya manam jigen jojo nga xamne du jigenu du chrétien ma chrétien la wala juif la julit bi tak ko buñu deme ba nek ci biir di rew ko xamne rew mum yefer la dañuy téré manam muy am ak mom ay rapport lutax ñu mu ne parce que day bañ mu amé ca dom jojam yor jikoy ñoña Et du coup, comment c'est compatible en France? Voilà, c'est celle-là où se trouve le problème. Madame, c'est pour dire que... mais lolo, même si vous avez dit l'imam Malik, rahmatullah alayhi, madame, vous avez vu la prudence de la tijoule. Madame, lolo, c'est indiqué. Madame, c'est indiqué l'ordre. Madame, même si vous avez dit que nous l'avons appliqué totalement. Madame, nous tenons pour appliquer ça. Pour nous. Ah, wax jojo dama koy baye xel comme étant une condition sine qua non mais day indiquer ordre du débit moy né que ni il faut faire attention à ce que ki ngay tak mu leer la né voilà li mun voilà mbir mi ni lay démé manam ko ni et que li tax julli ñi ñu permettre ko goor gi te permettre ñu ko jigen gi la lol tamit moy né parce que goor gi mom manam manna convaincre jigen ji bamou nekou julit parce que dafa am benen condition tamit buma faté wax moy mu baña nek luñu kuñu tuddé muhariba moy ko xamantene day xex anti-islamiste ko xamantene wala wala ile islam fop la wa kay ko islam fop la wala ko islam fop la wala kokou nonou il faut mu baña manam ndaw sof fop mu baña nek islam fop parce que su ko nekke rek takki gi do dootu meuna nekat mais ligue imagine subhanallah ñun mi ñu woyo fa le chrétien la manam mu simple Tu soumis, c'est simple trop. Alors que, quand même, Birmi s'est soumise à des conditions. Voilà. Donc, il y a eu Mata Baye Allah. Il y a eu un bureau qui a été fait pour Mata Baye Allah. Surtout, fini. En Occident. Benen problème da fait am. Té lolu, benen problème la bo xamantene da fay remettre en cause. Autorisation bi nga xamantene mom dañu indi ci affaire bobu fini en occident moy ban manam ginnaw yi ñu wax yépp moy le fait que buñu xolé buñ xolé né julit ñi minorité lañ ci occident julit ñi minorité lañ lolu c'est un constat ñepp xam nañ ni ma wala légui su fekkenté jigéenu julit ñi ñom kenn mu leen tak lu dul julit goru julit ñi dem di tak ji ci chrétien yi wala juif yi jigéenu julit ñi ñom kan mo leen di tak voilà donc lolu tamit mu nek une autre réalité bo xamantene day rendre plus difficile manam day nek benen affaire bu ci teggu manam bo xamantene day tendre vers manam rendre difficile le choix même manam pour tak kudul voilà manam c'est à dire que amna degré bi fu mu yegg amna niveau bu mu yegg quand même day dal mu djox haram totalement ci jigenu julit fi ni ci goru julit fi ni occident mu tak jigen kudul julit day voilà mais lolu selon ni soxla bi manam ni soxla bi ki la parce que sinon après fitna bu reri moy am après fitna bu reri moy am est-ce que circoncision c'est goru obligation pour comme soxna mobilité non mais voilà c'est que il y a des choses il faut xam nga circoncision mom farata la ci mom mais du farata pour tak soxna ci du farata pour tak soxna ci mom farata biñ ko laaj moy nek deux circoncision du farata pour nek julit mom c'est un acte isolé c'est voilà ak wat nel biñ koy no wat ak yoyu yep c'est un acte isolé même sangu farata bi du obligation sou fekente ne comme par exemple xalé la ku musul gis musul am lu waral ci mom mu sangu farata du nek farata ci voilà té lolou luma tabay xel le fait que ñu nan waaw mom day sangu ba paré ñu ki ko après non tout lolou du ci condition lutax xolal ñaata nit ñoo tuup ci jamono yantim sallallahu alayhi wasallam taxawlu ben yoon mu taxaw ne waji demal nga sangu ji ba paré ñu doga ngëm doga mu sa tuup doga mëna nangu dedet gaay ci biir jotaay bi lañuy gis ben affaire bu leen yépp wala lu ki ñu xamni li deug la ñu daal ci wax baat cede nekk julit li amul benen condition ba amul condition pour nekk julit loolu nangu baatu cede nga wax ko jeex na lool moy condition nekk julit voilà légui nak après yene yi déssé motax gis nga buñ commencé duggal ay protocole yu dul jeex da ñu affaire bi commencé compliqué amna ño xamantene imagine amna ño xamantene fim toll boole leen le magum jëm nga ne ko faw nga xarbal nga doga nek julit mais sa way day bañ amna ño xamne da ni bañ amna ño xamne lol man la leena bañ lo voilà non fokh nga nek manam il faut témoin julit bu mandu man nako def sama xam na ko dem ci sama fena xam wa lolou mën na nek xamana ko daana so dafa jallo ah d'accord ah legui voilà legui kon legui ñu delu ci wat kon sayyidina abu talha radiyallahu anhu kon mom nonu manam mom lool moy condition du gëm ci l'islam waye Comme la bonne question, prof. Les gens sont en train de me dire. Bon, c'est bon, grave. Comment nous dire ça? Les voilà, moi, je suis là. Non, mais l'eau, c'est que l'eau de Guinée après attaqué. C'est-à-dire que, qui attaque? Non, l'eau, mon défaut l'air. Mais l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, dafa nek loi après kat yi manam comme que yéfer ak julit duñu donnante kon bo takke ap jigenu yéfer na sa xel genn ci alalam mom xelam beure da ngay tak nit ki ndax alalam wa wa non budé yéfer budé yéfer do ko tak do ko donno man ko dul julit quoi wa nek da tay lolu do to ko donno dede do ko donno dula donno sa xel na genn ci alalam mu xelam genn ci sa alal voilà manam boko takke par manam ci julit bu julit bu takke chrétien ci dom ci guddou julit la pas bon c'est une question est-ce que forcément day jël tourou julit normalement pas ni choisir tour bi non rek wa non dafa am ben voilà fofu ñaari question mo fi am ñaar la ñaari question la bu ñëk bi moy dafa général c'est à dire que julit non mais lool nañ ko baye xel bu baax limay wax ni tour baye mo koy jox non fokh mo leer amul papa ji day joxe yaay ji joxe wala après dañuy non papa mo joxe tour lool da wara leer hein il faut mu leer yaay ji nak man na ne ah wa man day buma sañon nga tuddé ko diw wala yoy wala bok yaay ji mën nako tuddu su fekkante ne papa ji neeku fi te xamna ni bu ko tuddé ni papa ji du ci wax du ci opposé lool tam man na ne lool mom motax sayyidat hanna alayhi assalam manam moy yaay sayyidat maryama bi mu juddou mu ne rab mu ne inni wada'tu rabbi inni wada'tuha unta wallahu a'lam bima wada'at wa inni samaytuha maryam wa inni a'udhu bika min dhurriyyati min shaytanir rajim ndaw ci bopam ndaw ci bopam bi mu juré dom ji rek mom mo ne yalla ma ngi ni gis nga jurnako de nek na jigen waye nak tudde nako maryam manam parce que xamna ni papam du ci opposé wu ci quoi bobu day dagal mais bu fekkante ne mais yi xewu legi kenn ku ñu di xëccio nan no di lañ koy tuddé ki nan non non non ni la ak ba sey ji narté tax ak yu mel nonu yoy dedet ah non lool da waral leer nañ ni midi sans équivoque voilà maintenant nak mën nako théoriser mën nako ñaan manam japp diko théoriser ba waji nangul lool mo mën na nek mais décision finale bi mom voilà leele ngay gis sax ño xamanteni dañuy jëkënte maire pour kuy jëk bind tour bi pour ñu mais kuy yëp bo lool déjà ben affaire mu am benen problème benen question bu mu lambol li nga wax ni benen question bi mu lambol mom moy li ñuy wax nan touru julit la di nangam touru julit la nangam touru yéfer la lool mo existé wu lool existé wu ñi ñuy dégg ñom Seyna Abubakar Omar Osman Ali ñom Talha Zubair ñi lañ ko doon bi ñu nekk yéfer dañu tuup nekk lool dañ nan tour arab la lañ mëna wax Samba Demba Bachi ki ñoxor ga yoy ay modike galay yoyu suñuy tour la ñun wala ñoo suñuy tour la ñun wala ak manam ñun la société sénégalaise wala Jean Paul François Joseph yoyu tour touba bi la manam il faut ñu comprendre que manam tour bi ci lool lay aju mais amul nan par exemple waji tour na légui ñu tuddu dedet obligé wul muy changer tour lool obligé wul mën nañ ko baye mu tuddu ni mu tuddu mën na tuddu Yannick mën na tuddu Jean nek julit tax man na ni amul rapport lool faut mu leer aussi parce que gaay légui lool da ngay gis couture da ngay ben way sax moy jogi fele dal tuddé na ko diw légui man mako tanal légui touru bes légui nangam la ko tuddé wala amna ñeneen tam ñoo xamanteni dañ ci wax ay wax yu tum ranké nana ko tuddul turu julit yi manam mo liñuy wax ñom turu julit né ku ko tuddul bu yowmal xamé yent bi dalay ngeelti wat du wat la benen tour wala xéer yo man ay xet wax yu tour ranké yo xamné voilà mais seigne bi di nga tamé né tour day am influence nitki wa lool ben tier ben argument moy tamit que né que jury tamit il faut que ñu xamé la peut-être voilà peut-être que ce ni ngay solo ni ngay waxé mais tamit tour bi tamit c'est une caractéristique pour ñu xamé do ça ça fait des gars ah Mustapha eh xale Mustapha mom jundé la wa mais ngumul wu saw mu voilà voilà amna ñaar adima yo xam motax nga ne peut-être que nous change tour bi mona tax mo xamni xamni ah ki jundé non mais amna ben yentil sallallahu alayhi wasallam da na changer tour mais caractéristique yim daan changer tour bi caractéristique yim ko daan changer c'était quoi par rapport à fil de con ni le tuddu wala yoy porte préjudice voilà mais caractéristique voilà moy day porte préjudice comme ko xamantene dafa tuddu décor décor moy nan sécheresse mu dal di changer tour bi tuddé ko nat wala ko xamantene dafa tuddu xex harbu mu changer tour bi tuddé ko jamm waaw ko tuddu wala amul yaakar mu changer tour par exemple dal am yaakar waaw amna amul yaakar ay kenn bugul kenn bugul voilà legui tout jet do sénégal aussi jam non parfois ay tourou ki la ay tourou ki la hein amna tout jet do waaw mais manam limay bëgg wax fof moy né lolu ci jëmi bopam mo amul manam ñu né li ciéddo moy tuddu ni julit moy tuddu ni lolu mo amul manam amna omar yo xamanteni julit lañ won jamono julit la won moy sayyidna omar jamono yalla salam mu am omar yo xamanteni ci jamono yalla ay yever lañ won wala amul won distinction so dama yeen dekk na bi ay libre par exemple wala dem ay chrétien ay musulman wala dem ay yo xamne ay chrétien lañ mais ay tourum ay fan ay tour ni ni waxe tour julit voilà voilà donc lolu amul voilà lolu ci bofu am parce qu'il faut ñu comprendre lolu voilà maintenant nak effectivement nit ki mën na ni man légui dama bëgg sama tour soppeku dama bëgg changer tour wala yoy ba para changement de tour bobu non obligatoire comme ni ñom Moussaïd ibn al-Hazm moy papa yi Saad ibn Musayyib radhiyallahu anhu mom dafa ñew tupsi dafa tupsi yeralti bi sallallahu alayhi wasallam ne ko Musayyib mu ne ko da mu ne changer tour mu ne deureul ma bañ sama tour kenn ko changer ñu bayiko non Musayyib moy ko xamne mo Musayyib moy ko xamantene dañ ko beurgal bako non dañ ko beurgal bako légi mu ne ko deureul changer tour bobu mu bañ ne deureul sama tour la kenn ko changer mu ne mais Saïd manam domam xol gis nga domam ju na la tuddu Saïd moy ki nga xamne dafa texé moy Saïd ku texé djéggi day ci texé mom ci fuqa modèr tabi'i mom mo ci gëna mag voilà mo ci ëppon xam xam gënon ci kawé ay mbir kenn rek mu kenn mu par contre moko gënon moy Ouys al-Qarni radiyallahu anhu moko gënon mais Musayyib ibn Musayyib moko gënon mad mais limu doon wax xolal lu muy wax mu ne gis nga suñu kër motax xam nga papam mamam Hazan la tuddo moy tristesse Hazan moy tristesse ak tis mu ne mais gis nga lolu tax na suñu kër tristesse mosu fa djok mu ne Musayyib sama papa bi ngi yend bi ne ko changer tour mu bañ mais ñun dañ ñoo bërgalon suñu famille non lañ leen bëssa def dañ leen bëssa bërgal manam ngir ne manam moy voilà mais lolu tekki wul ne le fait que mu changer tour bi dafa waron parce que su waron du am choix bu ko yent bi ne dakoy baye rek sa dakoy dabi changer voilà donc voilà kon nous légui nak djégeul est-ce que nit mune mën nga bénn tour sa touru judd wax nga né tour bi nexuma mune bëgg na nga changer ko waaw nit nit li mo woy ni da la tégg waaw nga changer ko lolou mën na né ndax lolou tax yentou sallallahu alayhi wasallam am ñu doon changer sen tour parfois sax nit ñew tuddu nél mu changer ko comme ko tuddu barra mune changer ko parce que tour bi dafa taggé sayyidat maymuna radiyallahu anha mom mo tudon barra moy barra moy nit ku bax mune dede tour yi dafa taggé tudal maymuna mu changer ko donc lolu tamit day am voilà mais ce qui veut dire que yentou sallam le fait que mu def ko moy wané né lolu man na né wa le fait que muy proposer nit ki né tudal ni changer tudel ni mom lolu man na né am bassou tay mo nek dafa am touru djoulé sans ki yoy parce que amone ben étudiant chrétienne buma bokolone fula mom islam la tudd légui famille bu mi immigré ñoo fi France dañ ko changer tudé ka Alain légui lolu voilà non lolu par contre mënuñu ko ki comme côté bobu mënuñu ko mom non la fait wa mais mënuñu renverser tendance bi côté non xam nga lutax parce que lolu xétu ki la ci mbax manam du moyu mbax la ak won ginnaw ak mbax la té lolu nonu mënul nek lu dagal mënul nek lu bax voilà so lolu la ma tax lolu do am lu bari ci mon sauvé immigré dañuy changer sen nationalité légui da ngeen di demandé est-ce que ci sens voilà lolu tax ko voilà pour nous réintégrer dans la population voilà mais ala kulli hal lolu nekul lo xamantene lu ñuy permettre lo non parce que lolu en fait danger yi ci nek dafa bari voilà danger yi nek dañu dafa bari bon yag nañ déjà ci sujet bi il faut que ñu jall lénen bu doon ci question yi lañ ko yobbon mënon nañ ci talal mais comme fi lañ nek mënu ñu ci gëna yag ha yam ñu wax ndax est ce ñu joon ndax cyan gogu dina wër voilà cyan gi voilà cyan gi parce que le hadith bi manam bu manam li defleunte seydou oumou souleym rabbalana limu defleunte yentou sallallahu alayhi wasallam xam ko sahaba yi xam ko ñu wël ko lool day tekkel ne mënef na cyan lenen luddul ak khalis mënef na cyan lenen luddul alal tamit duñuy jëfëndiko té lool yentou bi sallallahu alayhi wasallam ci bopam def nako tamit am na ño xamantene daf leena jox dañ la cyan mune mu laaj waaju ndax amna lo mokal ci alquran mu mën ko cyanalew ndaw si manam mu jangal ko le fait que mu jangal ko ndaw si lool mu nekkon cyanam donc voilà yoyep day tekkel cyan amul comme li gaay wax ñatt trans amul ci cyan amul prix ba amul prix bu gëna ba manam nit mën na cyané 15 1 centime d'euro moy cyan gi lool mën na né mais aussi amul plafond nit mën na jël ñew né man ma mom Airbus ak yi fi nek yépp mako mom lay tané mom lay tané lool su ko nexé mo voilà légui kon loolu mom moy ki bobu légui nak ñu jall Sayyidina Abu Talha radiyallahu anhu dafa bokkon ci rumati manam ñi nga xam tane dañ daan mëna sanni xéej bu baax di jëm manam buñu nekké ci xéex wala mom san wa da ko mënon fekké na ba fara xéex kat la woon xaré kat dëgg la woon limu motax lool nak mo taxawon sax mom limu solo ci hadith bari wul wala limu solo ci ay hadith bari wul hadith yi ñent hadith la am ci sahih imam al bukhari ak imam muslim am ñaari hadith yo xamantene ci imam sahih imam bukhari kess lañ ne ak ñaari hadith yo xamne sahih imam muslim kess lañ ne hatta ala wala mom lu solo ci hadith bari wul par contre nak manam xex kat la won xare kat la won voilà daf dan dem manam même biñi xare manam xare bu mujju bi mu xare dafa ne dom yi man day dama bëggoon ngeen fekk magget na dama bëggoon ngeen préparer na mama dem bokk ji ci xar bi ñu ne ko ah wayo té nga tok rek xar nga ak yent bi sallallahu alayhi wasallam ak li nga ci yow bi nga nekk ki bi ya nga xex yoonu l'islam té nga dem rek té nga tok rek mëna dédé mukk fekk bob magget na mënatul dara da nak mëna mukk fokk da nga dem mu da dem ci la nekk shahid manam ci lañ ko rayé ci la génné aduna mu nekk shahid martyr sayyidna abu talha radiyallahu anhu mom mo dan mom minan manam mo waxone yentou bi sallallahu alayhi wasallam mo waxone yentou sallallahu alayhi wasallam ba pare fekke won manam kenn la ci ñi nekkon ci aqaba ci manam ñi nga xamantene yentou sallallahu alayhi wasallam bi da ndik tafé ak ansar ci makka mom nak kenn la ci ñoña nga xamantene mom la tafé lo sayyidna abu talha radiyallahu anhu bok na ci tamit ay li ragne ko ci mom moy ne borom bi subhanahu wa ta'ala dako wërsegele won manam mu nek ko xamantene non seulement dafa jambaré mais dafa amone baat bo xamantene dafa kayewon baat bi yekati ko la yoron bu dan wax motax même yantou bi sallallahu alayhi wasallam dafa xamna hadith sayyidat aisha radhiyallahu anha ak sayyid anas ibn malik radhiyallahu anhu bu nek sahih bu mustaq imam ahmad rahmalahu ci sharh imam muslim mu nan la sawtu abu talha ashad fil jaysh min fi'a manam giñ na ne batu abu talha radiyallahu anhu mo gëna tar mo gëna ci ci xex bu nekké ci tolu xar manam bu yëgëte batam ñuuxu ni mi titlo wé gaay mom mo upp doole ko ñu mbolo mu bari ñew na ron xex ak mom manam ko ne batam dem ki wala bu yuuxu ay manam ba batam dafa ki won dafa foron baat bu for bobu nak baat bu for bobu nak mo taxone yenenbi sallalahu alayhi wasallam gis nga bi muy diglé ci juru khaybar pour ñu woté mu daal di wut ko xamantene baatam daf voilà une fois qui porte voilà moy baat bu for baat bu kawé baat bu for sayyidna abu talha radiyallahu anhu mom moy ki watone yenenbi sallalahu alayhi wasallam menan mo na donc mom seul wa keur mo tax wa keurum ño yoron karaw yentou bi sallallahu alayhi wasallam lu ci gëna bari parce que daf ko wat jël ben parti bi dako wat parce que en fait ni la ko wat dafa ñew yentou sallallahu dafa tok ni mom mu tax ci ginnaw mo tax wat façon bu mo gën man nga ki wat day taxaw ci ginnaw kimi wat day taxaw ci ginnaw kimi wat ba paré nday jor bi lay jëkke voilà commencé nday jor bi legui bimu waté nday jor bi ba paré yeen salama djël karaw gi djox ko ko mom niko teyé ko yow mu wat benen parti karaw gi gauche bi djël ko seldel ko yeen salama yépp ñoom ñepp ñu xëccio ko kenn ku ci nek am ci aw ciat wo ci yor wo xamantene dang ko fonk lool diko yaxanal bu baax voilà mais benen ciatu karaw gi benen bonne bob bi walu bob bi mom la sen famille yoron ñom voilà mom la sen famille yoron amna motax abu ishaq rahmahullah mom daf dan dafa gisson na mom neena man yorna ci ciatu manam yorna ay pepp karaw yo xamni karaw yeen jibril sallallahu alayhi wasallam mang ko jeli won ci manam sen mam ñom sen mam umu so voilà radiyallahu anha parce que motax sayyidna abu talha radiyallahu anhu legui question bobu fofu tamit dafa am benen question bu moy barkerlu bobu ñu barkerlu ci jeexal yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam manam lu joge ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mais aussi lu joge ci nit ñu sellu parce que mbolam ñi nga xamantene manam nit ñu sellu lañ barke bobu nonu ñu wuti ci yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam deug la ci yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam lu gëna ye me yelle ci la gëna yelle mais yamul ci mom mais lepp lo xamantene ay jeexitalu manam nit ñu bax na nit ñu sel ñu la manam lu ñu momon wala lu ñu yoron lool dafa ci bok motax yeen tib sallallahu alayhi wasallam xam bi mu xam gëneel gogou nonu mom motax bi Zainab manam doom yeen tib sallallahu alayhi wasallam gënne aduna dafa sol yere bi ci la waxé né mu né sangé len ko han ci ñetti ñak wala juroomi ñak wala juroom ñaari ñak wala juroom ñenti ñak ci benen riwaya wala fukki ñak ak benn ba paré gën def mu né waj'al na fil akhir kafuran manam ci bu mujju bi na ngeen ci def kafur moy kafur wala mune fa iza faratunna fa'adunnani bo len paré na ngeen ma wo buñu biñ ko wowe nak biñ paré ba def ko ba wo ko mu daal di jël mbubu mi mu solon mu simmi ko mu dox mu sangé ko ko manam c'est Zainab alayhi assalam ni doomé ni sallallahu alayhi wasallam al qadi ayat rahmatullah dama wax ne bo xolé li tax téerul simmi mbubu mi moy dafa bëggol pour lu yéer bi gëna nekk ci mom barké bi gën ci nekk lool mom motax mu ne bo len paré manam téerul simmi yéer bi mais dafa xaar ba mu paré ka ko sol ngir xaar voilà bo pour mu barké bi gëna yagg ci mom ak yeneen ak yeneen yo xamantene siiw na ci lu xam ci na barké yeen tib sallallahu alayhi wasallam ñoom dañ ci daan barké hatta imam ahmad ibn hanbal rahmuhullah da fay wax ne mimbaru yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam diko ak khabru bi manam liko wër rawdu bi sallallahu alayhi wasallam diko ray ngir barkelu mom daf ko daan diglé benen bi nga xamantene mom la man na légui nak lan moy wané ni manef nako talal ci ñeneen ñi parce que amna comme wahabi di masalan dañuy faral di bañ mbir mom ñom nangul lañ ko yenté ni sallallahu alayhi wasallam mais problème moy dañ ko nangul kenn ko yenté pour ñom tek na la go xamantene yenté sallallahu rek moko mom moko am li tax nak ñukoy faral di wax moy ñom dañ japp ne dañ japp dañ gisul ñom dañ ne gisunu ginnaw yenté sallallahu alayhi wasallam sahaba yi di def lool gisunu sahaba yi radiyallahu ñukoy defal ke seen bir gisunu tamit tabi'i manam ndongoy sahaba yi diko defal sahaba yi radiyallahu andak ne kaadu figure yi warona tax ñu diko def dafa bari manam ko yi warona ñuko def dafa bari lool mo mo waral ne su fekkontene loolu dagan na def ci keneen konanton sahaba yi dinañ ko def seen bir manam ñeneen ñi ci def fa tam dinañ ko defal sayyidina abou bakr radiyallahu anhu wala sayyidina umar radiyallahu anhu et cetera ñeneen ñi nga xamantene ñoom ñoodu sahaba ñoom buñu tax ak sahaba yi dum sallallahu alayhi wasallam xammi ñi daan nañ manam dinañ ko def ak sahaba yi radiyallahu anhu kon condition yoyu nonu tax te loolu tamit du lu wat négliger ça veut dire que li tax ma indi wax seen wax li tax ma indi ko moy dafa mata baye xel parce que il faut pas que ñu nekk tout temps ci vision ou wala ci idée ou confrontation ak ci idée ou ñi dañu sanku ñi dañu li dedet faut que ñu comprendre aussi l'autre pourquoi mënul accepter li et que amna ben voilà amna idée bu nekk ci ginnaw et que amna une bonne foi aussi il faut pas que ñu jappé ko rek comme mauvaise foi voilà ni la cirque par exemple marque l'ordre ni le cirque dañuy bañ nit ñi raay ak dina la lool suñu dañuy dakk mais cirque bobu motax xana di nit ñi raay di lool la nek di wax ni inshallah légui dégg ñom dañ japp na lool mënul nek parce que lool effectivement ñom dañ japp ne cirque le bokal la voilà ñom dañ japp ne di parce que en fait lolu da fay dugg ci jaamu yalla te jaamu yalla ñom dañ japp ne benen bu bokul ak manam li nga xamantene mom la yalla teural te yantib sallallahu alayhi wasallam jangale ko leneen lo def lo xamantene surtout yo xamne da nga ci wut barke leneen lolou day da dugg ci bokale manam day da dugg ci bokale lolou mom motax ñuy wax wax joju non mais amna hadith bu xamantene ibn abi solo nako tamit mi ngi ci mojamu tabaraka allah alayhi bo xamantene moy hadithu abdullah ibn umar ibn khattab radiyallahu anhu te hadith la bu werr bo xamantene mom amul ben cialale bo xamantene amul ben isnad ci cialale gi dara lu ci meuna jam bo xamne yenenbi sallallahu alayhi wasallam fi mithar bi manam moy fi ni jappo dafa ñew ci kaaba bi fi nit ñi di jappo biñu jappo ba pare mom mu jël japp lool manam ndox mi wadde ci julli ñi manam ci sahaba yi mu rayo ko mu daal ci tek manam ibnu umar radhiyallahu anhu tan tek ne yentou sahaba da daf ko def mu ne yarju bihi barakata aydi muslimin daf ci yaakaré barke bi juddo ci loxo julli ñi manam kon le fait que loolu xew da fay wone ne loolu man na ne manam da fay wone ne loolu man na ne parce que bu fekkone mbir mi ci yent bi la yam sallallahu alayhi wasallam yent sallallahu alayhi wasallam du ko def ba pare di ci yaakaré barke djulli bi lool legui nañu supposé né loolu gis gisu sayyidna ibnu umar radhiyallahu anhu buñ ko gisé tamit dañu gis né sayyidna ibnu umar radhiyallahu anhu dafa nekkone ko xamné ñepp dañ ko xamé won ci fonk sunna manam strict ci sunna yent bi sallallahu alayhi wasallam voilà ak ba pare sahaba yi radhiyallahu ba pare mom mo solo hadith bi kon mom mo gëna xam circonstances yi tax hadith bi ki parce que al rawi adra bi ma rawa ki solo hadith lo qaida usuliya la ku solo hadith mo geuna xam limu solo lan la donc mom bi nga xamantene mbir mi deme na nonu kon mom solo bi mu solo hadith bobu ci condition yoyu lol day tek manam ba pare netali lolou lol day tek ci lay mbir moma benen mbir bi nga xamantene mom mo am mom moy tabut bi nga xamantene mom la alquran di tuddu han voilà nga xamantene li ci nek ci wa keur yent yalla Musa ak yent yalla Harun alayhisalam ba malaaka yi diko yob mo tahmiruhul malaaika ni ma malakum dal ko an wax malaaka yi yanuko yobale ko manam mu nek lo xamne ñom seen bop dañ ci daan barkelu lol day wone ne kon barke bobu barke manam man na nek lo xamantene hein ci yent yalla Daawud alayhisalam tamit yoron ko manam lol day wone ni manam dañuy barké lu kon mu def na barké lo ci manam alal do xamantene wala lo xamantene matériel la wala mbir la mo xamantene kiko momone nit ku sel la wala kiko mom batay nit ku sel la wala bok ap ci nit ku sel la joge benen bi ci dess mom moy barké lu bi nga xamantene mom la wa ashabul kahf manam ñi nga xamne ñom ñoo nekkon ci xuru ci alquran di leen tuddu ci suratul kahf moy 18e surat bi histoire ñoñu muy ñu leen tuddu les sept dormants ñoñu nonu dañ ne ñom dañ ne comme le alquran wax wa qala alladhina ghalabu ala amrihim lanatakhidanna alayhim masjida ñi nga xamantene ñom ñoo not seen mbir neenañ nañ leen nañu natakhidanna alayhim masjida nañu leen nañu jappé sen manam fi ñu nga xamné fa lañ nekkon teudd fa ci kaw nañ ko def ab juma manam ci xuru ci kaw xuru nañ fa taw juma té julli ñi ñoko def lutax parce que dañuy barkélu ci le fait que fofu nonu nit ñu sel ñoo ñu nekkon fa kon loolu mbir la mo xamantene lu ñu xam da té mbolé ñi nga xamantene ñoom ñoo ñew ci ginnaw gënal imam ash-shafi'i latelana hein tamit amna yere bo xamantene mom la solo jox ko imam ahmad ngir mu barkelo manam imam ahmad barkelo wala mu ko jox ne ko fek imam ahmad rahman da ko jox mu ne ko sol ko mu sol ko ba pare mu sol ko mu ne ko ngir mu man ko jarino mu man ko barkelo et cetera donc amna yo xamantene manam même ñooñu dañ ka dan def mais sauf que effectivement nekul lo xamne lu siwlu lu ñu toxal ci toxal gu bari mais preuve argument yi day wone ni man nané lool mom motax so xolé sharh hadith yi nga xamantene mom la surtout ak ku melne al hafiz al ayni rahmuhullah même hafiz ibn hajar rahmuhullah alayhi rek fa def ci fathul bari mais surtout al hafiz al ayni rahmuhullah badruddin al ayni ci umdatul qari su sharh hadith yu melni nga xamantene dañuy barkelu ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam daf nan li dey day tektele ne dañuy mëna barkelu ci jeexitalu nit ñu sell ni wala dañuy barkelu ci ñu sell ni manam lolu day wone manam ke ñu ñom non man ala kulli hal borom ko xamit ñom non lañu déggé won bir mu non lañ ko comprendre won te teunké wuñ ko won ci né ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam rek la yam parce que bir mi bu fekkete ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam doon nako def té doon na won nit ñi ni dañ koy def amul lenn lo xamantene luy preuve la lo xamantene day wone ne dagalut té bayyi ci jëmmé bopam du preuve bayyi du preuve lool lu mata bayyi xel la argument manam dafa bok ci argument moy luñu li def mais bayyi du preuve lool mom motax yentibi sallalahu alayhi wasallam jëfum comme li wax wama ataakum rasul fakhudhu wama nahakum anhu fantahu lu len yentibi sallalahu alayhi wasallam digël ba tax lu mu len jox jël len waye lu mu len téré lu mu len jox rek jël len waye lu mu len téré balen mais waxul ne lu mu bayyi balen ko waxul lu mu bayyi balen ko amna différence ah même sunna ni ngui définir sunna ni ngui définir moy lu yenenbi sallalahu alayhi wasallam defon moy qawlu nabi sallalahu alayhi wasallam aw fi'luhu aw iqraruhu manam moy waxu yenenbi sallalahu alayhi wasallam wala jëfum wala lu mu saxal manam moy ñu def ko ci kanamam mu taxaw mu nopi ci waxu ci dara ñett yoy mom moy sunna mais amna benn bu mu tuddul moy lan moy lu mu ba waxul ne lu mu ba rek lu mu ba bako sunna la waxul lool waxu ñu lool manam kon bayyi ci demi bopam en fait bayyi mo dul argument bayyi len rek lay wone moy du farata manam yeenbi sallallahu wala sahaba yi wala radhiyallahu wala tabe ñom ñu bayyi dara manam defuñu ko lolu tektele wul ne mbir momu dafa haram wala sax dañ ko sip mais limi tektele moy lan moy lola bu farata lolu lay tektele te lolu mata bayyi xal la ñu bari dañuy dañuy argumenter ben mbir na li yenti musu ko def ñu japp ne lolu muy jëmmi li preuve bi wala ne lolu dafa haram alors que dedet lolu moy jëmmi preuve bi wala ne lolu dafa farata waaw xey mais du preuve bi wala ne lolu dafa haram def lolu lo mata baye xal legi kon barke bobu nonu kon manam dafa nek lo xamantene kon nit ñi manam borom xam yi rahmatullah alayhim comprendre buñ am ci compréhension bi buñ am ci lolu manam e que moy wane ni ñom nit ñi mësa xamé mbir mi manam nit ñi ko mësa xamé moy ne barke lu rek de toute façon de manière générale ci jeexatalu ñu bax ñu même xolal yent yalla zakaria alayhi salatu wassalam xolal bi sayyidat maryama alayhi salam bi mu ñewé ya maryama anna laki hadha maryama fu jëlé li parce que en fait da na ñew fekk sayyidat maryama alayhi salam fi mu nekkon ci fi mu jaamo yalla da na def su ñewé daf koy fekk ay ñam yo xamantene normalement du jamono ji lañ wara xam par exemple comme par exemple période hiver bi non par exemple bu doon kémer période hiver manam Casamance la bëgg wax période hiver bi mu ñeu fekk mango di sax alors que xam nga mango bo xolé il faut ngeen di ngeen yek touti ba manam il faut que ay janvier février manam wéxu mars yi que manam période bobu mom la mango di commencé am manam ay mai côté yoy mais mu ñeu par exemple ci période ay décembre fekk mango ñor manam mu ñu gis sayyidat maryam yor mango assalam wala mu ñu fekk période fo xamantene nawet bi mo jox par exemple wala bok nor gi ci nor bi lañ nek muy nek gerte gu toy manam xet ay mbir la yo xamantene day gis ne li warta mu nan ko me fan nga jël li mu nan ko min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bi ghayri hisab yi ci yalla la joge yalla mom day wërsegal jaamam ci lu amul ay konté ay cëytu ay réglé yalla wala légui nak xolal li ci alquran tek muné hunalika daa zakariya rabba fofa la sayyidna zakariya sa manam ci bëru bo ko xam yeen manam sayyidat maryam alayhi salam na jaamu yalla mu barkel ci bëru bi daa di ñaan boromam nak ne rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a ha yalla mayma nak ha lu tukke ci yow zuriya manam njabot go xamantene njabot gu gu sel la gu lab la ndax yow sami'u du'a da ngay deg ñaan da ngay nangu ñaan kon yoy yep day tektale ne manam lolu barkelu kon ci ñi nga xamantene ñom ñoy sayyidat maryam alayhis salam won yenente manam barkelu kon ñi nga xamne ci ñom ñoy nit ñu sel ñi ak yu non lolu dafa nek lo xamne dañ ko xamantene lepp ñu delu ci wat sayyidina abu talha radiyallahu ta'ala anhu kon mom non la melon tam manam dafa nekkon ko xamantene manam dafa xamone barke bobu non ba nga xamantene mom mo dal won yenente bi sallallahu alayhi wasallam yenente sallam don ko jox ki bob parce que tepp wa keureum motax subhana rabbi wa keureum non lañ melon ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam motax sayyid ummu sulaym radiyallahu anha manam moy borom moy soxnam da dal wut ben genre bouteille su ndaw ni bu yenente bi sallallahu alayhi wasallam de nelaw bay ñak ni mu di ko jël diko te bu ngir barkelo ci parce que parfum bobu mo la da wax nan mo ñak gog mo gëno na neex parfum yeb mo dak misk ñak yenté bu sallallahu alayhi wasallam voilà ngay gis kuma sayyidat ummu ayman radiyallahu anha comme nu voilà mom daf daan wax na mom ci hadith yu nekk ci muy sunan mom an-nasa'i majmu at-tabarani mustadrak al-hakim rahmatullah alayhim mom daf daan yentou sa salama dafa am ci ben manam comme genre pot bo xamantene manam ki lañ ko defare ki la bant lañ ko defare bo xamantene daf ko tegon ci neegum wet fi manam fi mi teud bu ko defé mu ci tour ndox manam ci bu guddigi mu ci tour ndox mais sayyidat ummu ummu aymana radhiyallahu anha ñew jël ko nan mu tour na mais ana ki mu ne ko nan nako yeen sa salama re dan ko yow di sa bir dootu metti manam voilà parce que voilà nga xamantene comme list ibn omar wax radiyallahu anhu ci hadithu nek ci muwatta muñ tam ci ñaar sahihi sahih imam bukhari imam muslim rahmatullahi alayhi ma yeenent bi sallallahu alayhi wa sallam daf dan def kiwum manam bu dan japp bu japp ba pare ndox momu ci def wala manam nonam da ngay gis ndax xam nga daf ci daan duggal ci yow mok yoy ak fi nga xamantene bu galax diko def koy buusu ak yu mel non mune ndox mo gaay dañ ko daan xëccu mune kaadu yaqtasulu manam dañuy xaw tuddu ñu reyante ñu xex parce que tellement ni kenn ku ci nek diki après bu amé ko xamantene jottu da am ngay gis muy raay ci loxol keneen ki nga xamne mom mo defé naan mo ma bu ko defé mo man ci am man tamit ñu ci ra manam ndax dañu xamone barké bobu barké bi ci né voilà yoy yep kon ay ay voilà ay mbir la yo xamantene ñu xamone la jamono sahaba ay radhiyallahu ta'ala anhum mais ñom dañ ko doon toxal ci jamono sahaba ay mais dañ xol jamono yeneen yi ci bi ci tagu même bu fekente xeyna toxaluñ ci lu bari tokhol comme niñ ko dan tokhol ci jamono yenen tim sallallahu alayhi wasallam mais da ngay gis ne ñom aussi dañ préoccupé parce que aussi il faut que ñu comprendre que liñ doon tokhal du lepp lañ tokhal ñom déjà liñ doon tokhal du lepp et que dañu doon préoccupé surtout ci di tokhal li dan tuké ci yenen tim sallallahu alayhi wasallam parce que lool mo upp solo que liñuy tokhal ci kenen ku dul yenen tim sallallahu alayhi wasallam donc yoy yep ay mbir la yo xamantene yo mata baye xal la amna benen masala bu ñew fofu bo xamantene bu mata baye xel la ci karaw bobu karaw yantu bi sallallahu alayhi wasallam comme sayyidna abu talha han radiyallahu ta'ala moko dan wat moy lañ la nga gis ci net bi pour ci réseaux sociaux yi ñuy am ku ñuy newale ni karaw yantu bi sallallahu alayhi wasallam nekk ni mu nekk benn mesh bu gudd ak yoy lolu manam am xel rek dalay wone li amu du demé wut ni yeenbi sallalahu alayhi wasallam karawam déjà goudé wuwon non yeenbi sallalahu karaw fi lay am mais bu guddou bobu buñ ko jëlé bool ci boko bolé même wa keur sayyidna abu talha radhiyallahu anhu même seen wa keuram ñom amuñu won karaw gu bari parce que duñ ko seddo ci digënté doom yi ak sëtti kenn ku ci nek am ci parti ba ñi nga xamné buñ démé ba 3ème génération bi da naka kenn ku ci nek benn affaire nga do am kon fan lañu jëlé mes bu guddou bo ba bari ñu gis ñu may manam ñu ci bolé ay hein wala tout un protocole nan dé sa karaw yéneenti ba ñi ci sa gaay xol leen gaay def ci woté cinéma théâtre bu mat gaay yi tok manam ñu fessal ko bu mu fess ñuy wone rek ngir ni ñi yeketé ndi an won gaay karaw yenté bi sala sala mais lool ala kulli hal saxu ala kulli hal han saxu wa kon xamna inshallah ci tarjuma sayyidina abu talha radhiyallahu mi ngi genn aduna 34e ane ginnaw gadda yenté sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lool 34e ane bi li genn aduna kon dañuy yam fofu inshallah taala dakantalam la voilà. Est-ce que, c'est comme on l'a dit, c'est qu'il s'est converti, pas uniquement à cause du mariage. Est-ce qu'on a des preuves de, avant qu'il soit converti, est-ce qu'on a des preuves qui montrent qu'il était déjà... Je n'entends pas bien. En fait, est-ce qu'on a des preuves que avant qu'il se soit converti, il était déjà apte à vouloir se convertir. Non, mais la question ne se trouve pas là. La question se trouve... La question c'est qu'est-ce qu'il faut ? Voilà. Maintenant, c'est, voilà, c'est son comportement d'après. C'est vite fait. Si on se convertit pour cause de mariage, simplement, uniquement, strictement, mais après le mariage, On se divertit, hein? On est dans la distraction, dans... Pas forcément, parce que tu peux te convertir pour une cause, et après, quand tu te renseignes, etc., tu vois? Oui, mais la conversion n'est pas sincère à ce moment précis. Non. En ce moment précis. Mais là, comment c'est que la conversion, au moment précis, elle était sincère? Mais c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'à l'époque, il faut savoir que cette époque-là n'est pas semblable aux autres époques. Parce que à cette époque-là, surtout à Médine, il y avait la lumière prophétique sallallahu alayhi wa sallam qui les couvrait et qui faisait que l'islam, c'est-à-dire que l'islam à eux, était quelque chose de naturel. Voilà. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, il s'est converti alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas encore à Médine. Parce qu'il s'est converti à Médine, mais c'est quand il y avait une mission, le missionnaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Moussa ibn Omar, radiallahu anhu, qui était venu à l'âge de 17 ans pour conquérir Médine. Voilà. Maintenant, donc eux, ils étaient musulmans. Mais quand il s'est converti, c'est son comportement juste d'après qui montre qu'il était sincère dans sa conversion. Parce qu'après, il faisait partie de délégation qui partait pour rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussitôt. Donc cela montre qu'il était sincère. Dès le début. Voilà. Voilà. Et aussi, j'avais une question, c'est... Parce que tout à l'heure, tu as dit si une femme elle se marie avec un chrétien, alors elle passe sous le statut de musulman. Oui. Et ça, ceci, elle est consciente du problème. Oui. Ça veut dire que. Parce qu'en fait, quand tu. Si tu fais un péché et que tu as conscience de ce péché, non. Pour autant que tu. Oui, ce n'est pas pareil. Mais c'est parce que ici, il y a la mécréance qui est en jeu. Tu comprends? C'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai fait un péché que je suis devenu mécréant. Mais quand, par exemple, moi, j'atteste que ce péché-là n'en est pas un, c'est là où je deviens mécréant. Par exemple, en étant quelqu'un qui ne boit pas d'alcool. Qui ne boit pas d'alcool ou bien qui boit de l'alcool. Moi, je bois de l'alcool. Là, le simple fait que je bois de l'alcool ne justifie pas mon statut de mécréant. Mais cela justifie mon statut de pervers. Si toutefois, c'est une chose que je fais sciemment et que je fais surtout de manière à ce que, c'est-à-dire de manière publique, c'est-à-dire de manière à ce que les gens le comprennent, le savent. Voilà, par exemple, le simple fait que je fume, par exemple, je fume dans la rue, ne fait pas de moi un mécréant, mais fait de moi quand même un pervers. Si moi, je me mets à défendre que le fait de boire de l'alcool n'est pas illicite, c'est là où je deviens mécréant, même si je n'ai jamais bu d'alcool. Comme la différence qu'il y a, mais ça veut dire que si. Mais non, maintenant, là, il y a un autre problème, c'est l'enjeu même de la mécréance. Parce que le fait que je me marie en tant que fille avec un mécréant, cela justifie que son état à lui nous suffit. Et que son état à lui, et que l'état de mes enfants, de ma progéniture, en tant que mécréant aussi, mais indifférente en fait. Voilà. Donc c'est cela exactement. Et que c'est une chose qui est connue. Parce que l'enjeu n'est pas pareil. L'enjeu du mariage, ce n'est pas quelque chose. Parce que par exemple, si je bois de l'alcool, je peux être quelqu'un de faible. C'est-à-dire que de faible en tant que avec mon nafs, avec mon ego. Et ce qui cause le fait que je bois de l'alcool, voilà, je ne peux pas le délaisser, mais le seul problème qui puisse être là, c'est le fait que je déclare ou bien que je justifie cette chose comme le fait que ce n'est pas que c'est licite, voilà, que dire que voilà, ce n'est pas grave. Mais voilà, c'est pour ça qu'on peut voir quelqu'un qui va tout le temps dans les boîtes de nuit, etc. Tout ça, tout en sachant que ce n'est pas interdit, ce n'est pas tout en sachant que c'est grave. Voilà, tout en sachant que c'est grave, dire que voilà, c'est interdit, mais je bois quand même, je viens quand même dans les boîtes de nuit tous les jours. Mais la question devient problématique si, justement, je dis que oui, mais écoutez, les gens, ils ne font que bavarder, en réalité, ce n'est pas grave, voilà. Voilà, c'est là où se trouve le problème. Mais la mécréance, c'est quelque chose de... Non, la mécréance, c'est en elle-même. C'est ne pas croire. Voilà. Voilà. En elle-même, elle est dangereuse. Et en elle-même, elle est grave. Voilà, je vais vous dire, Inch'Allah. الله تعالى اللهم صل الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين